Salut les cailloux, salut les copains de Radio Cayenne. On est le 6 avril 2020 et on entame demain la quatrième semaine de confinement. Et moi, je vais vous parler encore de surveillance numérique. Alors, comme j'écris et que j'enregistre à l'avance, cette chronique, elle a quelques jours de retard et c'est possible que de nouvelles infos soient arrivées depuis. À l'origine de cette chronique, une nouvelle tombée le 1er avril que j'ai d'abord prise pour une mauvaise blague. Avant de me rendre à l'évidence, le gouvernement français et Palantir sont en négociation pour mettre en place le flicage massif de la population. Si vous vous rappelez de la chronique de la semaine dernière, je vous disais que le gouvernement avait créé la commission CARE, notamment pour étudier la possibilité de tracer les interactions des personnes touchées par le virus, et que Thierry Breton avait demandé aux opérateurs de téléphonie de fournir leurs données à la Commission européenne pour étudier notamment le respect du confinement. J'avais aussi indiqué qu'Orange filait les données de géolocalisation de ses clients à l'INSERM, notamment pour étudier l'évolution de l'épidémie et le respect du confinement. Je vous disais aussi que par moments c'était un peu le grand flou sur ce qui était prévu en France. Là ça avance et plusieurs hypothèses se profilent, dont celle des logiciels vendus par Palantir. C'est donc de ça que je vais parler aujourd'hui. Palantir, c'est une start-up états-unienne qui a été lancée grâce au financement de la CIA et qui est estimée aujourd'hui à plus de 40 milliards de dollars. La spécialité de Palantir, le renseignement numérique. C'est même la plus réputée dans le domaine. Aux États-Unis, elle bosse avec la NSA, la CIA, le FBI, mais aussi l'US Marines, l'US Air Force, et avec les flics de plusieurs États auxquels la start-up fournit des applications de police prédictives. En France, Palantir bosse pour la DGSI depuis 2016 et le contrat a été renouvelé pour 3 ans en novembre 2019, faute d'avoir trouvé des boîtes françaises capables de fournir le même boulot. Même le consortium de 23 entreprises de flicage du numérique n'a pas réussi à proposer une solution aussi efficace du point de vue des services de renseignement. Et si la DGSI a choisi Palantir pour nous surveiller, c'est que cette boîte a de quoi faire tourner la tête à tous les maniaques du contrôle et de la surveillance des populations. Son logiciel phare, celui qui l'a hissé au rang de numéro 1 des boîtes de flicage numérique, c'est Gotham, une plateforme logicielle capable d'intercepter des milliards et des milliards d'octets de données hétérogènes, parfois chiffrées, depuis des sources extrêmement différentes. Forums internet, Telegram, réseaux sociaux, email, SMS, mouvements sur les comptes en banque, bases de données des plaques minéralogiques, géolocalisation, appels téléphoniques, contacts, etc. Gotham analyse ces données, qui sont donc à la base très disparates, les croise, les synthétise et les met en forme de manière à ce qu'elles soient compréhensibles pour les flics des services de renseignement. Pour schématiser, ça donne une fiche par personne surveillée avec accès à toutes les informations qui ont pu être interceptées et une cartographie des relations avec ses proches et ses contacts, qui eux-mêmes héritent d'une fiche donc. Les fiches et cartographies sont bien sûr mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles données sont interceptées, et tout ceci permet aux services de renseignement d'accroître leur capacité de surveillance du côté de la quantité des données, bien sûr, mais surtout du côté de l'analyse de celles-ci. Palantir fait régulièrement des démonstrations de son logiciel dans la presse. Au magazine Economic Challenge, il présente le travail de Gotham sur un projet d'attentat fictif à Madrid. Challenge qualifie la démonstration d'assez bluffante et écrit ceci. Pour chaque suspect, Gotham rassemble toutes les informations disponibles sur des pages de type Wikipédia. Tout y est. Numéro de téléphone, photo, adresse mail, carte des appels passés, plaque minéralogique des voitures, relations connues. Ça a l'air facile. Mais pour aboutir à cette page, le logiciel traduit en temps réel des dizaines de types de données différentes, explique la spécialiste. En quelques secondes, l'enquêteur peut remonter le fil d'un réseau terroriste, le matérialiser en un schéma qu'il partage dans un dossier commun avec d'autres enquêteurs. Chaque agent de renseignement peut compléter ou modifier le schéma en fonction de ses autorisations d'accès. Et si Palantir essaye de redorer son blason en proposant aussi des outils de lutte contre la fraude fiscale ou de coordination de secours lors de catastrophes naturelles, son credo, c'est bien le flicage et la répression. Par exemple, la boîte, elle bosse avec l'Agence américaine de police et de contrôle des frontières et fournit une plateforme qui facilite les expulsions. En août 2019, les logiciels développés par Palantir ont permis d'établir des listes de personnes sans papiers à arrêter en respectant des quotas très précis. L'opération Mega avait par exemple permis d'arrêter 443 personnes en seulement 90 jours, et parmi les personnes visées par les services américains, les mineurs non accompagnés. Ah, et j'allais oublier Peter Thiel, qui est cofondateur de Palantir, c'est maintenant le conseiller numérique de Donald Trump à la Maison Blanche. Bon, ça c'était pour le CV de Palantir. Vous savez maintenant ce que cette boîte est capable de faire. Alors pour le moment, on ne sait pas ce que magouille le gouvernement et Palantir. On sait que le gouvernement étudie des hypothèses de surveillance sur plusieurs niveaux. 1. La mise en commun et le suivi des données scientifiques et médicales liées au virus et à l'évolution de l'épidémie. 2. Le backtracking, donc pour chaque nouveau cas, retrouver les personnes qui ont été en contact avec les malades au cours des deux dernières semaines. Et 3. La surveillance des mesures de confinement. Et Palantir se dit capable de proposer des logiciels sur ces trois niveaux. Sur le suivi de l'épidémie, Palantir est en pourparlers avec l'administration publique des hôpitaux de Paris et sous couvert de prédire l'évolution de l'épidémie et les pénuries de matériel et de médocs, ce sont notamment les dossiers des patients, jusque-là protégés par le secret médical, qui pourront être décortiqués par les logiciels de Palantir. Si les négociations se concrétisent et si la PHP en est satisfaite, la solution proposée par Palantir sera étendue à l'ensemble des hôpitaux français. Les deux autres niveaux, le backtracking et la surveillance du confinement, sont étudiés a priori plutôt pour la sortie de confinement. Et on ne sait pas ce que Palantir propose, mais on va se pencher sur ce que prépare le gouvernement. Même si encore une fois, on ne sait pas ce que va nous pondre ce gouvernement, les opérateurs de communication et les boîtes spécialisées dans la surveillance. On sait donc que la surveillance numérique est déjà en cours. La loi renseignement, couplée à l'état d'urgence adoptée le 23 mars, le permet. Par exemple, des données de géolocalisation sont déjà utilisées. C'est ce qui a permis, entre autres, de savoir combien de Parisiens et de Parisiennes étaient partis se confiner dans leur résidence secondaire. On sait aussi qu'Orange refile les données de géolocalisation de ses clients à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale et que SFR donne les siennes à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. L'idée du gouvernement est d'aller plus loin et de coordonner tout ça pour ce qu'ils appellent la phase de déconfinement progressif. L'idée qui a le plus fait son chemin, tant au niveau du gouvernement qu'en termes d'acceptabilité, c'est celle du backtracking. Il s'agit de ficher les personnes qui ont ou qui ont eu le coronavirus, de récolter leurs données numériques et de retrouver les personnes avec qui elles ont été en contact dans les deux dernières semaines. Dans le cadre d'une hypothèse dite de déconfinement progressif, l'idée, c'est bien sûr d'imposer des mesures de confinement à ses contacts. C'est grave en termes de fichage, de flicage, de respect de la vie privée et de mesures coercitives. C'est aussi grave en termes de prévention et de compréhension de l'épidémie. Peu importe que tu aies pris les précautions nécessaires quant au virus, peu importe les risques que tu sais avoir pris, si ton téléphone a approché le téléphone de quelqu'un qui a chopé le coronavirus, tu es confiné. Et c'est grave aussi pour les risques de stigmatisation que de telles pratiques induisent. Le dernier niveau, et pas des moindres, c'est celui du suivi du confinement. De la même manière, on ne sait pas exactement comment ça va se passer et qui ça va concerner. Études massives des données de géolocalisation, suivi de la géolocalisation des personnes malades, installation d'une appli comme en Pologne pour vérifier que les gens sont dans leur lieu de confinement. On n'en sait rien et on ne sait pas non plus si les sanctions actuelles, qui sont déjà bien aberrantes, sont amenées à évoluer. Times 14284 page 3 by line 2 should read Miniprod forecast increased chocolate ration in April 1984 from 20 to 25 grams per week. Pour résumer donc, Le gouvernement planche sur trois niveaux de surveillance numérique. La surveillance des données de santé, le backtracking et la surveillance du confinement. Et comme je le disais tout à l'heure, Palantir se dit capable de répondre à ces trois niveaux et est en pourparler avec le gouvernement français. Mais ça ne veut pas dire que c'est Palantir qui va être choisi. Le gouvernement, qui se souvient que les boîtes de surveillance numérique n'étaient pas très contentes que les services de renseignement aient choisi Palantir, a lancé une mission pour étudier les options et est en train de démarcher dans tous les sens pour voir ce que ses collabos du flicage peuvent proposer. Pas de doute qu'Atos, Thales, Engie, Ineo et bien d'autres encore se tiennent prêts pour ne pas rater le coche de ce nouveau virage sécuritaire. Les grosses boîtes ne sont d'ailleurs pas les seules à lorgner sur ce marché qui s'ouvre. Plusieurs startups tentent ainsi de placer leurs billes. Certaines proposent déjà leurs applis en téléchargement et d'autres utilisent des mouchards pour récupérer nos données de géolocalisation, comme l'a fait ce week-end GeoForecast, qui a fourni à la presse des chiffres censés illustrer un relâchement du confinement. Alors que va choisir le gouvernement ? Est-ce qu'il n'y a que les gens qui auront un smartphone avec la géolocalisation activée qui auront le droit de sortir ? Est-ce qu'on va être survolé par des drones qui essaieront de communiquer avec nos smartphones? Et qu'est-ce qu'ils feront quand on n'aura pas de smartphone? Et si on est détecté comme personne à risque ou censé être en quarantaine? Est-ce que les drones prendront notre température? Est-ce que les entreprises du flicage de masse imaginent coupler ça avec la reconnaissance faciale? Est-ce que la téléverbalisation va être généralisée? Et qu'est-ce qui restera de tout ça après cet état d'urgence-là? Nous sommes en guerre. Gardez le calme. Pensez printemps. Nous sommes en guerre. Évitez l'esprit de panique. Nous sommes en guerre. Gardez le calme. Avec de la discipline. Nous sommes en guerre. Toute infraction sera sanctionnée. Nous sommes en guerre. Gardez le calme. L'argent ne se mange pas. Nous sommes en guerre, oui. Je vous demande de ne céder à aucune panique, ni au désordre. Nous gagnerons. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Hissons-nous à la hauteur du moment.